Marseille. Les Colibris, on n'est pas constitué en tant qu'association, on est un groupement local qui est reconnu par le niveau national, mais on n'a pas d'entité juridique à proprement dit. Notre mission, c'est de soutenir, c'est de relier et faire vivre en fait un nouveau projet de société qui est plus respectueux de l'homme et de son environnement. Donc on est vraiment en lien avec la transition. Et ça, on veut le faire en proposant à tout un chacun de changer sa vision du monde et de recommencer, enfin de réapprendre à penser, à agir et à pouvoir créer librement. Alors, localement, on aimerait bien pouvoir mettre en place une dynamique de coopération avec des structures qui sont déjà préexistantes, et beaucoup d'entre vous sont ici présents aujourd'hui, et également favoriser la rencontre et le dialogue entre les citoyens lors de manifestations publiques ou plus professionnelles comme ça a lieu aujourd'hui. Alors, on a pas mal de colibris qui veulent faire leur part, qui sont de différentes manières. Aujourd'hui, on voudrait qu'on apprenne à se connaître mieux pour pouvoir établir une cartographie la plus juste possible pour que nous, en tant que colibris, on puisse jouer le rôle de facilitateur qu'on veut jouer.